every time you're looking back, you say you wanna give it up and you cry. If only we could try. Maybe there's another way than blaming ourselves for everything and hiding in our shells. Even if you leave me now, I'll find a way to reach you. Don't you say you see is who you are. Every time you're looking back, you say you wanna give it up and you cry. If only we could try. Maybe there's another way than blaming ourselves for everything and hiding in our shells. Even if you leave me now, I'll find a way to reach you. Don't you say goodbye. If you're leaving, don't tell me why. Don't you say goodbye. If your heart's broken, please don't break mine. Looking back, you say you wanna give it up and you cry. If only we could try. Maybe there's another way than blaming ourselves for everything and hiding in our shells. Even if you leave me now, I'll find a way to reach you. Don't you say goodbye. If you're leaving, tell me why. Don't you say goodbye. If your heart's broken, please don't break mine. Doncs després d'aquestes cançons que us hem comentat amb el nostre programa, el que anirem a fer és escoltar a Jian Chenhal, aquesta artista que ens acompanyarà en les properes cançons. Va néixer a Nantes el 28 de febrer del 1978. Ella es va fer famosa a partir del 2002. Ja havia autoproduït un disc abans, però va ser a partir del 2002. Va cantar en un programa doble amb Vincent Delerme a l'European i després també amb Mateo Bustet, amb qui va extreure un llibre CD. A partir d'aquell moment, i del seu segon àlbum publicat el 2004, que va suposar un gran èxit. Avui escoltarem algunes cançons del seu primer àlbum en 9 anys. Després del Xerà del 2010, publica l'any 40 el 2019. I aquestes en són algunes de les cançons que en formen part. Esteu escoltant Hola la Music amb Rafael Corbí. Les ronds s'envahissent, la mare albatros si un goguenard viennent nourrir nos plus beaux cauchemars. On y vole, on y court, on y fait des tours et des tours. On voudrait en partir, on s'ennuie un peu, faut bien dire. On est là, on attend, planté sur nos cannes de 8 ans. Cheveux et bras offerts aux 80 ans. Oh, racine d'or, je me souviens de vous. Des cailloux, les trésors et les gens tatoués debout. Oh, racine d'or, je me souviens de tout. Combien d'années encore me ferez-vous tenir? Par mes ancêtres, une rigueur toute paysanne, une tendresse pour les âmes et les esprits flottant dans les cabanes. J'y reviens, j'en repars, qu'il est doux d'être de quelque part. J'en repars, j'y reviens, et les ronces me griffent les mains. Tant d'hiver, de printemps, plantés sur mes cannes. Y a-t-il un amour qui la hante? C'est peut-être juste. avis nouveau. Qui bouillonne ou la puise-t-elle? être un champ de blé battu par l'orage, ébouriffé par le vent, chauffé par les pierres, cuisant au soleil brûlant. Je te veux comme un vol d'hirondelle, libre et sans autre chemin que celui que tracent tes ailes, indifférent au courant. Je veux être un courant d'air soufflé sur ta peau, voilé d'un parfum de pluie, d'averse éphémère avant la tombée de nos nuits. Je te veux comme un glacier millénaire, tranquille et transparent à l'opacité passagère. Quand tu te troubles un moment, je veux être une rivière de cailloux qui dévalerait la terre à un rythme fou sans jamais regarder derrière. Je te veux comme un arbre des îles, puissant, insolite et beau, et dans ton écorce fragile je graverai ces quelques mots. Je veux être un champ de blé battu par l'orage. Je veux être un champ de blé. Oh, dessin aux toiles fous, aux toiles par un disparu. Hola la Music, amb Rafael Corbí. Hem escoltat la música d'aquesta protagonista de Jean Chenhal amb la companyia de Sebastian Hogg, de Nicolas Poiset, de Camille Leverquier, de Rémi Galichet i també de Matt Chamberlain amb les cançons que hem escoltat d'aquest disc l'any 40. Cagant. I que ens ha acompanyat aquests minuts a Hola la Music. La música, en francès, continuarà a càrrec d'un àlbum que se'ns ha fet a mans i que va sortir a la venda el 16 d'octubre de 2019. Louisville s'anomena ell, Eponym és el títol de l'àlbum. Escoltem alguna de les cançons que ens porta aquest personatge que desconeixíem absolutament, però que ens ha arribat a nosaltres amb la seva música. Un personatge que s'ha patejat les carreteres de França i d'Europa durant anys, que va debutar l'any 2000, va començar la seva carrera amb l'àlbum Hotel Pourri, i que algunes revistes especialitzades, magazines, han comentat a vegades que ell és el Leonard Cohen francès. Bé, doncs aquí escoltem alguna d'aquestes cançons i ja em sabeu dir. Combien de forêts calcinées, combien de rouges limonées, combien de vendanges oubliées, combien d'automne à t'espérer. Combien de rues de rue hantée. Par ton image à t'espérer. Combien de roses trop fanées, combien de lignes à t'espérer. Comme une tempête qui passe sans rire, sans rendez-vous. Un tsunami m'engloutit, s'enfuit comme il était venu. Puis sans rire, sans jamais scier le sourcil bien haut et le regard trop noir. Et la scène, ses nouvelles, sans jamais me demander si j'aimerais colorier le monde autrement. Moi j'ai les couleurs dans le cœur qui change du noir sans douleur. Ce sourire trop blanc et l'on redescend. Si tant est qu'on ait l'envie de pleurer, ce sourire qui vous mène emmène rassuré sur les sentiers balisés. Mais moi, j'ai des couleurs dans le cœur qui change du noir en douceur. Elle tombe dans ma bouche ouverte, ont-elles été rédigées, digérées, raquettées, dirigé avant tes pour nous effrayer, roulé dans un tambour de machine, parfumé d'un relent misogyne, androgyne, homophobe ou raciste, ou bien encore destiné à nous plomber la vie. Faut-il encore y croire, ou bien fermer la bouche et ton père notant à traumater ces indigents des FMTG, à trop taper sur la misère du monde, c'est loin, c'est proche, pas même une seconde. Le malheur défini comme la norme des gueules, nous des gueules, nous vomit notre vie, c'est pas mieux, mais moi. J'ai des couleurs dans le cœur qui change du noir sans douleur. Mais moi, j'ai des couleurs dans le cœur. Années gâchées, trop peu parfaites. Moi, mes mains sont si loin. Je suis là, plus là. Je marche à côté de moi. Vaille que vaille, coulant vers le fond. J'ai vu mon âme et la fin. Le rêve ne brûle jamais. Les éponges chez moi souvent. J'y tentais qu'on a rêvé. Est-ce qu'on rêvera longtemps? Est-ce qu'on oublie les affronts? Est-ce qu'on envie les typhons qui abattent toutes les montagnes quand on s'enfonce dans les sagnes? Attends-là, le temps d'une danse. Attends-la, que tout commence. Réfléchis de temps en temps. Plonge au cœur de ses tourments. Change les corps plus souvent. Peut-être sauras-tu à temps. Ce qui fait vibrer son âme, ce qui fait brûler sa flamme, qui ne vacille dans le drame, qui éclaire le bruit des dames. Oh, comment brûler ce circuit? Est-ce l'âge ou bien l'ennui? Mais le cœur, mais de mémoire, il te plaît cet écran noir. Pour toi, elle construit des ponts, dans des filins, dans le vide et l'aube et la mémoire. Il te plaît cet écran noir, il te plaît cet écran noir. Il te plaît cet écran noir. Attends-la. Le temps d'une danse. Attends-la, que tout commence. Esteu escoltant Ulala Music. Recte final del nostre espai, després d'haver escoltat el Leonard Cohen francès, com us comentaven i ens deien, Louisville, amb aquestes cançons d'aquest disc. Avui ja anem acabant, ho farem amb un parell de cançons, la primera d'elles, recordant a Eddie Mitchell, des del 1978. Sa cigarette, puis repousse le cendrier, se dirige vers les toilettes, la démarche mal assurée. Il revient régler ses bières, le sandwich et son café. Il ne rentre pas ce soir. Le grand chef du personnel l'a convoqué. C'est faire notre société. Vous êtes dépassés et du fait vous êtes remerciés. Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas ce soir. Il s'en va de bar en bar. Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas ce soir.